Sophie Calle, née à Paris le 9 octobre 1953, est une artiste plasticienne, photographe, femme de lettres et réalisatrice française. C'est une artiste d'art contemporain. Elle a réalisé trois films, Faux Fuyant en 1983, No Sex Last Night en 1996 et Amore Carne en 2011. Elle a également remporté le prix international de la Fondation Hazelblad. Et en 2007, Sophie Calle a représenté la France à la 52e Biennale, qui est une exposition internationale d'art contemporain avec l'expo Prenez soin de vous. Cette œuvre est la réception d'un mail de rupture que Sophie Calle a reçu. Elle s'exprime alors sur la raison de son projet. J'ai reçu un mail de rupture. Je n'ai pas su répondre. C'était comme s'il ne m'était pas destiné. Il se terminait par les mots « Prenez soin de vous ». J'ai pris cette recommandation au pied de la lettre. J'ai demandé à 700 femmes, dont une à la plume, deux en bois, choisies pour leur métier, leur talent, d'interpréter la lettre sous un angle professionnel. L'analyser, la commenter, la jouer, la danser, la chanter, la disséquer, l'épuiser, comprendre pour moi, parler à ma place, une façon de prendre le temps de rompre à mon rythme, prendre soin de moi. Elle expose ainsi son intimité par le détour de la médiatisation des commentaires autour de sa lettre de rupture. La mise en scène de l'exposition par un des artistes contemporains les plus connus du monde à Daniel Buran. Mais alors, que raconte ce mail ? Sophie, cela fait un moment que je veux vous écrire et répondre à votre dernier mail. En même temps, il me semblait préférable de vous parler et de vous dire ce que j'ai à vous dire de vive voix. Mais du moins, cela sera-t-il écrit ? Comme vous l'avez vu, j'allais mal tous ces derniers temps. Comme si je ne me retrouvais plus dans ma propre existence. Une sorte d'angoisse terrible contre laquelle je ne peux pas grand-chose, sinon aller de l'avant pour tenter de la prendre de vitesse, comme j'ai toujours fait. Lorsque nous nous sommes rencontrés, vous aviez posé une condition, ne pas devenir la quatrième. J'ai tenu cet engagement. Cela fait des mois que j'ai cessé de voir les autres, ne trouvant évidemment aucun moyen de les voir sans faire de vous l'une d'elles. Je croyais que cela suffirait. Je croyais que vous aimez et que votre amour suffirait pour que l'angoisse qui me pousse toujours à aller voir ailleurs et m'empêche à jamais d'être tranquille et sans doute simplement heureux et généreux se calmerait à votre contact et dans la certitude que l'amour que vous me portez était le plus bénéfique pour moi, le plus bénéfique que j'ai jamais connu, comme vous le savez. J'ai cru que l'écriture serait un remède, mon intranquillité si dissolvant pour vous retrouver, mais non. C'est même devenu encore pire. Je ne peux même pas vous dire dans quel état je me sens en moi-même. Alors, cette semaine, j'ai commencé à rappeler les autres. Et je sais que cela veut dire pour moi et dans quel cycle cela va m'entraîner. Je ne vous ai jamais menti. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Il y a une autre règle que vous aviez posée au début de notre histoire. Le jour où nous cesserions d'être amants, me voir ne serait plus envisageable pour vous. Vous savez comme cette contrainte ne peut que me paraître désastreuse, injuste, alors que vous voyez encore B, R, et compréhensible, évidemment. Ainsi, je ne pourrai jamais devenir votre amie. Mais aujourd'hui, vous pouvez mesurer l'importance de ma décision au fait que je sois prêt à me plier à votre volonté, alors que ne plus vous voir, ni vous parler, ni saisir votre regard sur les choses et les êtres, et votre douceur sur moi me manqueront infiniment. Quoi qu'il arrive, sachez que je ne cesserai que vous aimer de cette manière qui fut la mienne dès que je vous ai connue, et qui se plongera en moi, et je le sais, ne mourra pas. Mais aujourd'hui, ce serait la pire des massacres que de maintenir une situation que que vous savez aussi bien que moi devenu irrémédiable, au regard de cet amour que je vous porte et de celui que vous me portez et qui m'oblige encore à cette franchise envers vous comme dernier gage de ce qui fut entre nous et restera unique, j'aurais aimé que les choses tournent autrement. Prenez soin de vous. X. Suite à cela, Sophie Kahl décide d'en faire un livre. Le livre réunit, ordonne et présente les éléments visibles lors des expositions. L'édition originale est constituée de 10 000 exemplaires. Il a été tiré de cet ouvrage 107 exemplaires numérotés et signés par l'artiste, accompagnés d'une photographie originale. Sur la couverture, c'est une photographie du buste sur lequel est projeté les mots du mail « Prenez soin de vous ».